L'Arabie saoudite joue un rôle très très important, ne serait-ce que pour essayer aussi de relever le pays financièrement. Il va y avoir des suites à ces accords. La France n'est pas contente du tout et puis à la limite on s'en fiche. Ça peut aider le Burkina puisque ça affaiblit encore davantage la France sur le continent. Deuxième bonne nouvelle, c'est que le chef d'état-major algérien, celui qui a remplacé Gaït Salah, donc Monsieur Chengriha, est arrivé à Paris, il est parti aujourd'hui. Aujourd'hui, il était question aussi de voir la position de la France en Afrique, surtout dans le Sahel. Le dossier du Sahel, c'était le premier dossier traité. Je n'ai pas encore de retour. Afrique Média, le monde, c'est nous.